C'est la mère Turlupine qui me disait autrefois que sa chèvre était maligne, qu'elle lui mangeait tous ses pois. Qu'elle lui mangeait tous ses pois, elle se mit en colère, prit la chèvre par la queue, la jette à la rivière. Je regrette ma pauvre chèvre pour le produit qu'elle me laissait. Je regrette ma pauvre chèvre pour le produit qu'elle me laissait. Pour le produit qu'elle me laissait et ce blond laitage. Toutes les filles qui en buvaient gardaient leurs avantages. Je voudrais que toutes les filles eussent comme punition. Je voudrais que toutes les filles eussent comme punition. Le poil de ma pauvre bique pendu au bout du menton. Pendu au bout du menton et la mamelle au ventre. Les deux cornes au trou, la queue entre les jambes.